Ici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant du Challenge Banque Nationale qui se déroulait à Ville-Saguenay. Et pour la première fois depuis Rebecca Moreno, Catherine Sebov est devenue la première Canadienne à remporter le Challenge Banque Nationale en faisant Kirin Lemoine en 2-7 de 7-6 et 7-6. Donc c'est quand même encore une belle semaine du côté du Challenge Banque Nationale. Au hockey, les Saguenayens ont perdu 4-1 contre le Dakar de Baie-Comeau. Dans le match, notons le seul but qui a été marqué par Jérémy Fortin de Dolboom-Cessny. Vendredi, les Sags avaient perdu cette fois 4-3 contre les Dakar. Théo Rochette et Jesse Sutton avaient marqué chacun un but et amassé une passe. Il y a les Marquis de Jonquière qui ont vaincu Saint-Georges-de-Beauce 5-3 dans la rencontre. À noter que Mathieu Brisebois a ajouté un but et deux passes. Vendredi, gain des Marquis de Jonquière contre Sorel. 3-2, Gabriel Lévesque, un but, une passe dans la rencontre. Ligue Midget 3, les élites de Jonquière ont gagné 6-1 contre Albatros. Mikissi Awashish a marqué un but et amassé une passe. Et Jérémy Fortin de Dolboom-Missassini a été blanchi. Ligue Senior du Lac au Fleuve, le multiconcessionnaire de Dolboom-Missassini a vaincu le MGR Express 5-4 au complexe sportif du secteur de Dolbo. Maintenant, à noter que Ligue Junior Régionale, les Éperviers de Normandin ont subi deux revers au cours du week-end. Donc, vendredi à l'Aréna de Normandin, les Éperviers ont perdu 7-3 contre les Seigneurs. À noter que le meilleur joueur a été Philippe Pelchat qui a marqué un but et amassé une passe. Et vendredi, cette fois, autre défaite, cette fois, les Éperviers contre les Sables de Robertval, 3-1. Jesse Saint-Pierre a marqué un but pour les gagnants et pour les perdants. Mathieu Saint-Pierre a marqué. Au niveau midget, maintenant, les Castors de Dolbo ont gagné 3 fois en fin de semaine sur la Côte-Nord. Ils ont vaincu les Basques de Sept-Îles 7-3, 4-2 et 6-0. Les ambassadeurs de Chibougamau, tant qu'à eux, ont divisé le programme double contre le Marcos Pub. Les ambassadeurs ont gagné 3-1 et ils ont également perdu cette fois 5-3 contre ces ambassadeurs. Ligue Bantam Régionale, gain des Rapides de Dolbo-Missassini 4-3 contre les Saguenayens de Chicoutimi 1. Il y a les ambassadeurs Chibougamau qui ont perdu 9-3 contre les Sags 2 avant de gagner 2-1 contre ces mêmes Sags. Et en terminant, on va parler de judo. Le club de judo Albatros de Dolbo-Missassini était l'hôte en fin de semaine d'une compétition de judo. Et le club hôte a terminé au deuxième rang derrière celui de Jonquière avec une récolte de 14 médailles d'or, 7 médailles d'argent et 7 médailles de bronze. Et c'était également en fin de semaine le banquet de fin de saison de la série Sportsman. Xavier Pelchat de Saint-Félicien a terminé au 9e rang des pilotes en plus d'avoir obtenu le prix de la plus belle voiture. Le sport local et régional à danradiosport.com.